I want to share a very important message. Je désire partager un message très important. The mighty conversation the Lord had with me on the coming of the Messiah. La puissante conversation que le Seigneur a eue avec moi à propos de la venue du Messie. When the Lord showed me the vision of the pale horseman. Quand le Seigneur m'a montré la vision du cavalier verdâtre. First of all, let me do the chronology how it came. Premièrement, laissez-moi faire la chronologie de comment il est venu. First of all, he showed me the church of Christ that is raptured. Premièrement, il m'a montré l'église, l'église de Christ qui était enlevée. That is has entered heaven. Ça c'est à l'entrée des cieux. And she was worshiping. Et elle adorait. And it was a glorious worship. Et c'était une adoration glorieuse. And then one of the things I've described. Et ensuite, une des choses que j'ai décrit. Is the glory on the gown of the church. C'est la gloire de la robe de l'église. And I said. Et ils ont dit. You would think they are flashes of lightning. Et vous penserez, ils ont des flashs comme des éclairs. Like camera flashes, pia pia pia. Comme des flashs de caméra, pia pia pia. As they worship before the Lamb and the Lord. Comme ils adoraient devant l'agneau et le Seigneur. But one of the things I want to share. Mais une des choses que j'aimerais partager. Is when the voice in that vision. C'est quand la voix dans cette vision. He said. Il dit. Look and see. Regarde et vois. Who is coming? Qui vient? And when I looked toward my left. Et quand j'ai regardé de mon côté gauche, and I saw the mighty pale horse, et j'ai vu le puissant cheval verdâtre with his rider, avec son cavalier. And they were coming with impunity and fury. Et il venait avec de l'impunité et de la furie. And he's coming with so much authority. Et il vient avec tellement d'autorité. And beyond that we may not share. Et derrière ça, on ne peut pas partager. But he was coming. Mais il venait. And then behind him. Et ensuite, derrière lui. I remember I was shocked. Je me souviens, j'étais choqué. Why the heavy darkness that was following him? Pourquoi est-ce que des profondes ténèbres le suivaient? I want to talk about that briefly tonight. J'aimerais parler à propos de cela. Brièvement ce soir, I have shared on the prophecy of the four apocalyptic horsemen. J'ai partagé à propos de la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques. You know, Kenya. Vous savez, vous les Kenyans. I have prophesied all of them here. Je les ai toutes prophétisées ici. Even the third horseman. Même le cavalier verdâtre. Of the global economic crisis. Sur la crise économique mondiale that I said would come, dont j'ai dit qu'elle va venir. It was a meeting, c'était dans un rassemblement at the Nakuru Girls High School grounds, dans le champ de la haute école des filles à Nakuru. And I said, et j'ai dit that there is a black horse that has been released from heaven, qu'il y a eu un cheval noir qui a été relâché des cieux. And I referred you to Revelation chapter 6, et je l'ai référé à Apocalypse chapitre 6. And you see that in less than 2 months, et vous voyez que en moins de 2 mois, the global economic crisis, la crise économique mondiale, that I had prophesied on that 23rd of August, que j'avais prophétisé ce 23 août 2008, you see that it was immediately fulfilled. Vous voyez que ça a été accompli immédiatement. In less than 2 months, en moins de 2 mois. In October, en octobre. Until today, jusqu'à aujourd'hui. Every economy is very sensitive, toute l'économie est très sensible. And struggling, et en train de lutter. And when I was in Australia, I told them, et quand j'étais en Australie, je leur ai dit that there is a second bout of economic crisis, qu'il y a une seconde partie de cette crise économique. But I want first, mais je désire premièrement, to discuss this pale horseman, discuter à propos de ce cavalier verdâtre. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? I have referred you to Revelation chapter 6. Je vous ai référé à Apocalypse chapitre 6. But I want to talk about the darkness that is coming with him. Mais j'aimerais parler des ténèbres qui viennent avec lui. Turn with me to the book of John if you can manage. Tournez avec moi au livre de Jean si vous pouvez le faire. John chapter 9. Jean chapitre 9. I am reading. Je lis from verse 4. Depuis le verset 4. Just one verse really. Juste un verset réellement. He says, il dit John chapter 9 verse 4. Jean chapitre 9 verset 4. As long as it is day, tandis qu'il est jour, we must do the work of him who sent me. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Night is coming. La nuit vient. When no one can work. Où personne ne peut travailler. And then in verse 5. Et ensuite au verset 5. He says, while I am here on the earth. Pendant que je suis là sur la terre. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. I want to connect it with two things. J'aimerais le connecter avec deux choses. With the book of Isaiah 21. Avec le livre d'Ésaïe 21. Then I will explain to you. Et ensuite je vous expliquerai what the Lord is saying. Ce que le Seigneur dit. Isaiah 21 verse 12. Ésaïe 21 le verset 12. Just to tie it up. Juste pour les lier. This is what he says. C'est ce qu'il dit. Again, Isaiah 21. Encore, Ésaïe 21, verset 12. But I'm beginning from 11. Mais je commence à 11. He says, an oracle concerning Dumas. Il dit un oracle qui concerne Dumas. Someone calls me from Seir. Quelqu'un m'a appelé de Seir. Watchman. Sentinelle. What is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? Watchman. Sentinelle. What is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? Verse 12. Le verset 12. The watchman replies. La sentinelle répond. The morning is coming. Le matin vient. But also the night. Mais la nuit aussi. If you would ask. Si on vous demande. Then ask. Alors demandez. And come back yet. Et revenez maintenant. Again. Encore. I want to explain to you what that means. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Listen, precious people and pastors. Écoutez, précieux peuple et les pasteurs. We all know. Nous savons tous that the church is sitting at a critical place. Que l'église est dans une place critique. On the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. And there is need to prepare a glorious robe. Et il y a ce besoin de préparer une robe glorieuse. But I like in John chapter 9, mais j'aime ce dans Jean chapitre 9. The admonition, the warning, the rebuke, la recommandation, l'avertissement, la réprimande that the Lord is giving, que le Seigneur donne. And he's saying, hey, et il dit, hey, let me do the work of he who sent me. Laissez-moi faire le travail de celui qui m'a envoyé. Let us do the work of he who sent him. Faisons le travail de celui qui l'a envoyé. While it is still day. Pendant que c'est encore jour. The night is coming. La nuit vient. The night is coming. La nuit vient. When you cannot do this work. Où nous ne pourrons plus faire ce travail. Let me explain carefully. Laissez-moi expliquer soigneusement. You see very clearly. Vous voyez très clairement. The mandate. Le mandat. Of the rider of the pale horse, the fourth horseman. Du cavalier du cheval verdâtre, du quatrième cavalier. In Revelation chapter 6. Dans l'Apocalypse chapitre 6. Down from verse 7. Plus bas du verset 7. 7 to 8. Les versets 7 et 8. It speaks about when the lamb breaks the fourth seal. Il parle à propos du moment où l'agneau brise le quatrième sceau. But you see that the mandate of the fourth horseman. Mais vous voyez la mission du quatrième cavalier. Is to be able to bring death to the earth. C'est d'être en mesure d'amener la mort sur la terre. That one quarter may be killed. Qu'un quart puisse être tué. By plague. Par le fléau. By famine. Par des famines. By the sword. Par l'épée. And by the wild beasts of the earth. Et par les bêtes sauvages de la terre. One quarter of the earth. Un quart de la terre. When I prophesied the Haiti earthquake. Quand j'ai prophétisé le tremblement de terre de Haïti. When I went down there in Haiti to warn them. Quand je suis allé là-bas à Haïti pour les avertir. November 22nd to 27th. Du 22 au 27 novembre. When I warned of historic death. Quand je les ai avertis d'une mort historique. And it took place. Et c'est arrivé. Look at that. Regardez ceci. More than 300,000 people died. Plus de 300 000 personnes sont mortes. And the whole earth. Et toute la terre. Was shocked. Était choquée. 300,000. 300 000. And the Bible says. Et la Bible dit. These are just the beginnings of our pain. Ce sont juste le commencement des douleurs de l'enfantement. Then how much horrible. Et combien plus horrible is the bad pain. Sont les douleurs de l'enfantement. How more horrible. Combien plus horrible is the bad pain. Sont les douleurs de l'enfantement. And so when you see the rider of the pale horse. Et quand vous voyez le cavalier du cheval verdâtre coming to cause a holocaust. Venant pour provoquer un holocauste, to kill one quarter of 6 billion people, pour tuer le quart de 6 milliards de gens, that's more than 1 billion. C'est plus qu'un milliard. Listen to this. Écoutez ceci. Just 300,000 in Haiti. Juste 300 000 en Haïti. And the whole earth was shocked. Et toute la terre était choquée. Listen to this. Écoutez ceci. What is that darkness following him? Qu'est-ce que c'est ces ténèbres qui le suivent? In Revelation chapter 6, dans Apocalypse chapitre 6, verses 7 to 8, les versets 7 et 8, that denotes the rider of the pale horse. Ça dénote le cavalier du cheval verdâtre. He says, il dit, his name is death, son nom est la mort. And hate follows him close by. Et le séjour des morts le suit de près. Hate. Le séjour des morts. Precious people. Précieux peuple. If there is any warning the Lord is bringing to the church, s'il y a quelque avertissement que le Seigneur apporte à l'Église, on the need to catch this moment, au besoin de saisir ce moment, then this is it. Alors c'est maintenant. The Lord is saying, le Seigneur dit that the church, que l'Église needs to know, a besoin de savoir, the time has run out, que le temps est passé. Time has run out. Le temps est passé. So we need to do the work. Alors on a besoin de faire les œuvres that Jesus was sent to do, pour lesquelles Jésus a été envoyé. And he ordained the church to do. Et qu'il a ordonné à l'Église de faire. What is the work? Quelles sont ses œuvres? He said, il a dit, the Lord Jesus, le Seigneur Jésus, he said, il a dit, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. And in Matthew, et dans Matthieu, he turned around, il se retourne, and he told the church, et il a dit à l'Église, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. So you need to shine the light of Christ. Alors, vous avez besoin de briller la lumière de Christ. Church of Christ. Église de Christ. You are like a mirror. Vous êtes comme un miroir. You are like a big mirror. Vous êtes comme un grand miroir. Our God is light. Notre Dieu est lumière. He is the God of light. Il est le Dieu de la lumière. Not darkness. Non pas des ténèbres. And so he sent Jesus. Alors il a envoyé Jésus to be the light of the world. En tant que lumière du monde. So Jesus, alors Jésus, is the image of God's light, est l'image du Dieu lumière. But listen to this. Mais écoutez ceci. Now that he was taken on high, maintenant où il était pris en haut, you are the mirror, vous êtes le miroir. That when you focus on Jesus, que lorsque vous vous concentrez sur Jésus, his image reflects on you, son image se reflète en vous. And the world see the light of the world. Et le monde voit la lumière du monde. And that's why, et c'est pourquoi, this is the moment, c'est le moment, to shine the light of salvation, de briller la lumière du salut. I know that you see miracles. Je sais que quand vous voyez des miracles, what the Holy Spirit is doing, ce que le Saint-Esprit fait, what he has sent me to do, ce qu'il m'a envoyé à faire, across the earth, à travers la terre, but remember, mais souvenez-vous, you need to work hard in the field, vous avez besoin de travailler dur dans le champ, and win more people to Jesus, et gagner plus de gens à Jésus. Win them to the Lord. Gagnez-les au Seigneur. Wherever you are. Où que vous soyez. Make sure you win them. Shine the light of Christ. Soyez sûr de les gagner, de briller la lumière de Christ. For me, I am just running. Pour moi, je suis juste en train de courir. I am here, I am in Sweden, I'm in South Korea. Je suis là, je suis en Suède, je suis en Corée du Sud. I'm in Australia. Je suis en Australie. But for you, mais pour vous, don't lose the light of the world. Ne perdez pas la lumière du monde. Remember when Jesus talked about the wedding of the Lamb. Souvenez-vous que Jésus a parlé à propos des noces de l'agneau. In Matthew 25. Dans Matthieu 25. He talked about the wise virgins. Il parle à propos des vierges sages. That had oil. Qui avaient de l'huile. That lit up their lamp. Qui tenez leur lampe allumée. So make sure, alors soyez sûr, that you keep the lamp burning, que vous gardez vos lampes allumées at this hour, en cette heure. Because you are asking me, parce que vous me demandez, watchman, sentinelle, what is left of the night, qu'est-ce qui reste de la nuit, watchman, sentinelle, what do you see, qu'est-ce que tu vois, and I can tell you, alors je peux vous dire, I see the night coming, je vois la nuit venir. When you will not be able to do the work. Vous ne pourrez plus être capable de faire des œuvres. In Isaiah, he said, dans Isaïe, il dit, Isaiah 29, verse 12, we read, Isaïe 29, verset 12, nous avons lu, watchman, sentinelle, What is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? Watchmen. Sentinelle. What do you see coming? Qu'est-ce que tu vois venir? I can tell the nations of the earth. Je peux dire aux nations de la terre. That I see the night coming. Que je vois la nuit venir. But in Isaiah 21. Mais dans Ésaïe 21. The same scripture. Le même texte. Isaiah was talking to Israel. Ésaïe parlait à Israël. And he was talking about the conquest by Assyria. Il parlait à propos de la conquête par l'Assyrie. And he said, et il a dit, it will come as a night. Il va venir comme la nuit. The morning was coming. Le matin venait. And yet another night come. Et maintenant, une autre nuit vient. When the Babylonians would attack them now. Quand les Babyloniens voulaient les attaquer maintenant. So it is with the church today. Alors, de même en est-il de l'Église aujourd'hui. We know we are in the dark night now. Nous savons que nous sommes dans une nuit noire maintenant. In the 11th hour. À 11 heures. And the Messiah comes at the midnight hour. Et le Messie vient à minuit. We are in a spiritual darkness. Nous sommes dans des ténèbres spirituelles. Right now. Juste maintenant. And Isaiah said, et Ésaïe a dit, I see the morning coming. Je vois le matin venir. And yet another night. Et maintenant encore une autre nuit. But when you come to ask, et quand vous venez pour demander, you may come again and ask. Vous pouvez venir encore et demander. This means it will be short-lived. Ce qui signifie que ça va être vite fait. I have seen the glory of the Lord. J'ai vu la gloire du Seigneur. Coming in the rapture. Venir lors de l'enlèvement. That this darkness we have. Que ces ténèbres que nous avons. Will be overshadowed. Vont être éclipsés. By the glory at rapture. Par la gloire lors de l'enlèvement. When the Lord comes. Quand le Seigneur vient. He will come in his glory. Il va venir dans sa gloire. And get rid of this spiritual darkness. Et se débarrasser de ces ténèbres spirituelles. When he takes you. Quand il vous prend. But look at this. Mais regardez ceci. It will be short-lived. Ça va être vite fait. And then another darkness. Et ensuite d'autres ténèbres. I have seen the tribulation. J'ai vu la tribulation. I have seen the great tribulation. J'ai vu la grande tribulation. Watchmen. Sentinelle. What is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? Watchmen. Sentinelle. What is left of the night? Qu'est-ce qui reste de la nuit? And I say, et je dis, I see the morning coming. Je vois le matin venir. And after a short while, et après un court moment, after the midnight hour, après l'heure de minuit, there will be the tribulation. Il va y avoir la tribulation. And the great tribulation. Et la grande tribulation. When you cannot preach this gospel. Où vous ne pourrez pas prêcher cet évangile. Let us do the work of the Father. Faisons l'œuvre du Père. When the daytime is still here. Pendant que le jour est encore là. When we are still in this kind of acceptance. Pendant que nous sommes encore dans cette sorte d'acceptation. In the tribulation. Dans la tribulation. You cannot preach Jesus. Vous ne pourrez pas prêcher Jésus. That is obvious. The Bible must be fulfilled. Ça, c'est évident. La Bible doit être accomplie. Watchman. Sentinelle. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? I see darkness. Je vois des ténèbres. Coming after the pale horse. Venant derrière le cheval verdâtre. And this spiritual darkness. Et ces ténèbres spirituelles. Where homosexuals are being ordained as pastors. Quand les homosexuels sont ordonnés comme pasteurs. Where they are preaching money and prosperity in the church. Quand là où ils prêchent l'argent et la prospérité dans l'église. Where they are pursuing women in the church. Où ils poursuivent des femmes dans l'église. Where there is immorality in the church. Où il y a l'immoralité dans l'église. Where there are false prophets in the church. Où il y a des faux prophètes dans l'église. The false prophets. Les faux prophètes. Their tongues are very weak. Leurs langues sont très faibles. They cannot speak righteousness. Ils ne peuvent pas parler de justice. They cannot speak holiness. Ils ne peuvent pas parler de sainteté. They preach a horizontal gospel. Ils prêchent un évangile horizontal. An earthly gospel. Un évangile terrestre. There are many churches. Il y a beaucoup d'églises that are preaching an earthly gospel. Qui prêchent un évangile terrestre. Even in this nation. Même dans cette nation. There are many churches. Il y a beaucoup d'églises that are leading you to live better on the earth. Qui vous conduisent à vivre mieux sur la terre. They don't have a strong tongue. Ils n'ont pas une langue forte. To rebuke sin. Pour réprimander le péché. And purify the church. Et purifier l'église. And prepare the church. Et préparer l'église. For the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie. Watchman. Sentinelle. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? I see the glorious rapture. Je vois l'enlèvement glorieux. When he comes to take you. Quand il vient pour vous prendre. But that morning. Mais ce matin. Will be short-lived. Va être un court moment. So when you have to come and inquire. Alors quand vous venez pour vous renseigner. Then in a short while you have to come again and ask. Et juste après vous devez venir encore et demander. Watchman. Sentinelle. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? What is left of the night? Qu'est-ce qui reste de la nuit? And I can say, et ils peuvent dire, I have seen the pale horseman. J'ai vu le cheval verdâtre. In darkness. Et des ténèbres. Hades. Le séjour des morts. Is following him. Il le suit. So at this time, en ce temps, you can do the light of Christ. Vous pouvez faire la lumière de Christ. You can do the light of the world. Vous pouvez faire la lumière du monde. Look at many people receive the Lord here. Regardez comme beaucoup de gens reçoivent le Seigneur ici. The church, people are ready. L'église, les gens sont prêts. This is the time when the hearts of people in Kenya especially. C'est le temps où le cœur des gens au Kenya spécialement are open to receive him. Est ouvert pour le recevoir. So please. Alors, s'il vous plaît. For me, I am running here and there. Pour moi, je cours ici et là. But run and do the work. Mais courez et faites le travail. Before the next darkness catches up with you. Avant que les prochaines ténèbres vous saisissent. Watchman. Sentinelle. What do you see of the night? Que dis-tu de la nuit? Watchman. Sentinelle. What do you see left of the night? Que reste-t-il de la nuit? I see darkness. Je vois des ténèbres. Coming with impunity. Venant avec impunité. So let us do the work of he who sent him. Alors, faisons les œuvres de celui qui l'a envoyé. Before it is too late. Avant que ce soit trop tard. Remember when you come to these meetings. Souvenez-vous, quand vous venez à ce rassemblement. They essentially are meant to disciple you. Ils sont essentiellement destinés à vous discipliner. So when you go, you have been packaged. Alors, quand vous rentrez, vous êtes armé. That you can now reach out and tell them, let's stop it. Pour que vous puissiez maintenant prêcher Christ et les arrêter. Let us return to the righteousness of the Lord. Retournons à la justice du Seigneur. You have seen the works of God here. Vous avez vu les œuvres de Dieu ici. Why does he do these things? Pourquoi est-ce qu'il fait ces choses? And I announced them on radio before. Et je les ai annoncées à la radio avant. That the cripples will walk when I come there. Que les infirmes vont marcher quand je viendrai là. That the blind will see. Que les aveugles vont voir. Blind eyes will open. Que les yeux aveugles vont s'ouvrir. That many deaf, their ears will open. Que beaucoup de sourds, leurs oreilles vont s'ouvrir. And the paralytics will walk. Et les paralytiques vont marcher. And they happen. Et ça arrive. Why? Pourquoi? To affirm the word. Pour affirmer la parole. To confirm to you that this word. Pour vous confirmer que ce monde. Is his. Est sien. Precious people. Précieux peuple. I see. Je vois. I see darkness. Je vois des ténèbres. That if you may inquire now. Que si vous pouvez vous renseigner maintenant. You may soon come back and ask again. Vous pouvez rapidement revenir et demander encore. Don't miss the coming of the Messiah. Ne manquez pas la venue du Messie. You remember Capernaum? Vous vous souvenez Capernaum? They saw too much. Ils ont trop vu. And the Lord said, Capernaum, Capernaum. Et le Seigneur a dit Capernaum, Capernaum. Will you today be in heaven and tomorrow in hell? Voulez-vous aujourd'hui être au ciel et demain en enfer? Oh how I wish that many cities had seen what you have seen. Oh combien j'aimerais que beaucoup de ville et vu ce que vous avez vu. They would have repented in the sackcloth and ashes and received Jesus immediately. Elles se repentiraient dans des sacs et des cendres et viendraient à Jésus immédiatement. Watchman. Sentinelle. What is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? A second time. Une deuxième fois. He asked. Il a demandé. Watchman. Sentinelle. What is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? Said, I see the morning coming. Il a dit, j'ai vu venir le matin. But in a short while, mais un court temps, the night comes again. La nuit vient encore. Remember the conquest of the Assyrians. Souvenez-vous, la conquête des Assyriens was lighter than the Babylonian conquest. Était plus légère que la conquête des Babyloniens. Precious people. Précieux peuple. The current darkness in the church. Les ténèbres actuelles. Is lighter than that darkness of tribulation. Sont plus légères que les ténèbres de la tribulation. Now, maintenant, you know, vous savez that there is darkness coming, que des ténèbres viennent, that you may work, pour que vous puissiez travailler, purify the gown, purifier la robe, prepare for his coming, vous préparer pour sa venue. Watchmen, sentinelle, what is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? Watchmen, sentinelle, what is left of the night? Que reste-t-il de la nuit? I see the morning coming. Je vois le matin venir. When the church will be taken, où l'église va être prise. At the midnight hour. À l'heure de minuit. But then, mais ensuite, I also see darkness coming. Je vois aussi les ténèbres venir. A second night. Une seconde nuit. When you ask, quand vous demandez about the night, à propos de la nuit, you may come back again. Vous pouvez revenir encore and ask, et demander about the night, à propos de la nuit. Precious people, précieux peuple, I hope, j'espère, you will ask, que vous demanderez this time around, ce temps là autour, and not a second time, et non pas un second temps. Blessed are those, bénis soient ceux whose ears are circumcised, dont les oreilles sont circoncises, that they may hear the word of God, pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu, that when you hear, que lorsque vous entendez, you may now refine your salvation, vous pouvez alors raffiner votre salut, and be like a crystal clear mirror, et être comme un clair miroir de cristal. Focused on the Lord Jesus. Concentré sur le Seigneur Jésus. The light of the world. La lumière du monde. Reflecting on you. Qui se reflète en vous. You are just a vessel. Qui est juste un récipient. And reflecting back to the world. Et qui se reflète pour le monde. So when they look at you, pour, afin que lorsqu'ils vous regardent, they don't see you. Ils ne vous voient pas, vous. They see what you reflect. Ils voient ce que vous reflétez. They see the Lord. Ils voient le Seigneur. Watchman. Sentinelle. What do you see coming? Qu'est-ce que tu vois venir? Watchman. Sentinelle. What do you see coming? Qu'est-ce que tu vois venir? I see the morning at the midnight hour. Je vois le matin à l'heure de minuit. When he takes the church. Quand il prend l'église. And when it's just morning. Et quand c'est juste le matin. Then comes another night. Alors vient une autre nuit. The church is the light of the world. L'église est la lumière du monde. The church is the holy habitation of the Holy Spirit. L'église est la sainte habitation du Saint-Esprit. And so when the church is taken. Alors, quand l'église est prise. The holy church. La sainte église. At rapture. À l'enlèvement. Listen to this. Écoutez ceci. When the church is taken. Quand l'église est prise. The holy dwelling of the Holy Spirit. La sainte habitation du Saint-Esprit. At midnight. À minuit. Then even the Holy Spirit has been taken. Que même le Saint-Esprit sera pris. Then there is darkness. Ensuite, ce sera les ténèbres. When you see your sisters being healed. Quand vous voyez vos sœurs être guéries. Brothers. Frères. Use that. Vous commencez. Use that. Vous commencez. To refine your salvation. À raffiner votre salut. That's why you see me weep for the Lord. C'est pourquoi vous me voyez pleurer pour le Seigneur. Because I tell the Lord. Parce que je dis au Seigneur. I wish they could know what I have seen. J'espère qu'ils puissent savoir ce que j'ai vu. Precious people. Précieux peuple. Catch this hour. Saisissez cette heure. Precious people. Précieux peuple. I also see missiles striking the nuclear facility in Iran. Je vois aussi des missiles frapper les centres nucléaires d'Iran. Those who have ears. Ceux qui ont des oreilles. Listen to what the Lord says. Écoutez ce que le Seigneur dit. Are there people here who are not yet born again tonight? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas nés de nouveau ce soir? If there are people who have not received the Lord, lift up your hand. S'il y a des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, levez vos mains. Then let us receive the Lord. Alors, recevons le Seigneur. I want you to shout. J'aimerais que vous criez. Two languages. En deux langues. Say mighty Jesus. Dites puissant Jésus. Today. Aujourd'hui. I have seen your power. J'ai vu ton pouvoir. And seen your glory. Et vu ta gloire. I repent. Je me repens. And leave sin. Et laisse le péché. And take you. et t'accepte as Lord, comme Seigneur and Savior, et Sauveur of my life, de ma vie. Establish me, établis-moi in holiness, dans la sainteté. When you come, quand tu viens for the church, pour l'église, please, s'il te plaît, remember me, souviens-toi de moi, in the mighty name of Jesus, dans le puissant nom de Jésus. Tonight, ce soir, I am born again, je suis né de nouveau.